Quand Jésus donne sa vie. Jésus arrive à Jérusalem sur un petit âne pour la fête de la Pâque. Les habitants se bousculent pour le voir. Sur son passage, ils agitent des branches de palmiers et recouvrent le sol avec leurs plus beaux vêtements. Ils crient « Vive Jésus ! C'est lui le Messie !» Jésus entre dans le temple. Il voit tous les marchands qui comptent leur argent. Il est très en colère. Il les chasse tous. La maison de Dieu est une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus sait qu'il va mourir. Pour fêter la Pâque, il organise un dernier repas avec ses amis. Il prend du pain, remercie Dieu. Il le partage. Prenez et mangez. Voici mon corps. Je vous le donne, car je vous aime. Jésus prend une coupe de vin. Il remercie Dieu. Prenez et buvez. Voici mon sang. Je le donne pour tous les hommes. Plus tard, vous referez ces gestes en mémoire de moi. À la fin du repas, Jésus verse de l'eau dans une bassine et il lave les pieds de ses amis. Ils sont tous très étonnés. Toi, notre maître, tu veux nous laver les pieds? Jésus leur répond. C'est pour vous servir que je suis venu au milieu de vous, car je vous aime. Plus tard, vous referez ce geste en mémoire de moi. Après le repas, Jésus dit « Bientôt, je vais mourir. L'un de vous va me dénoncer. Maintenant, partons. » Ils arrivent au jardin des Oliviers. Jésus a peur. Il est triste. Ne vous endormez pas. Priez avec moi. Mais ils s'endorment tous et Jésus reste seul à prier. Un groupe de soldats arrive en courant. Jésus sursaute. Ça y est, on vient me chercher. En tête, il y a Judas. C'est lui qui a dénoncé Jésus. Les amis de Jésus ont peur. Ils s'enfuient tous. Les soldats se jettent sur Jésus comme s'il était un bandit. On amène Jésus dans le palais du grand prêtre. Les gens se moquent de lui. Comme on ne trouve pas de vraie raison de l'accuser, certains disent qu'il veut détruire le temple. Jésus ne se défend pas. Es-tu le Messie ? Lui demande le grand prêtre. Oui, je le suis. Tout le monde crie « Menteur ! À mort !» Pendant que Jésus est jugé, Pierre s'approche du palais. Quelqu'un le reconnaît. « Toi, tu es de la bande de Jésus !» Pierre a peur. Trois fois, on l'accuse et trois fois, il répond « Non, je ne connais pas Jésus !» Soudain, Pierre entend un coq chanter. Il se souvient alors des paroles de Jésus. « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. » Pierre se met à pleurer. Jésus est conduit devant Pilate, le chef des Romains. Pilate ne trouve pas de raison pour condamner Jésus. Il montre Jésus à la foule. Tous crient « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Alors Pilate laisse condamner Jésus. Les soldats se moquent de Jésus. Ils l'habillent avec un manteau rouge. il lui pose une couronne d'épines sur la tête. Il lui crache dessus et le frappe. Jésus est chargé de sa croix. Elle est lourde. Tout le monde se bouscule pour voir Jésus passer avec sa croix. Il a du mal à se frayer un chemin. Marie, sa maman, est là avec quelques femmes et d'autres amis. Il pleure. Jésus est mort sur la croix. Avant que la nuit ne tombe, ses amis viennent chercher son corps. Ils l'enveloppent dans un drap et le déposent dans un tombeau creusé dans un rocher. Puis ils roulent une très grosse pierre devant l'entrée. Ils rentrent chez eux, tout tristes. Trois jours plus tard, le dimanche matin, Marie-Madeleine, une amie de Jésus, va au tombeau. Elle voit que la grosse pierre a été roulée sur le côté. Elle s'écrie : « Le corps de Jésus n'y est plus. C'est sûr, on l'a volé. » Marie-Madeleine va vite le dire à Pierre et à Jean. « Le corps de Jésus n'est plus dans le tombeau. » En entendant cette nouvelle, Pierre et Jean se précipitent au tombeau. Dans le tombeau, ils ne voient que le drap qui enveloppait le corps de Jésus. Au dehors, Marie-Madeleine pleure. Un homme s'approche. Elle pense que c'est le jardinier, mais l'homme l'appelle. Marie-Madeleine, pourquoi pleures-tu? Elle le reconnaît. Jésus, c'est toi. Tu es vivant. Le soir de ce jour-là, deux amis de Jésus marchent vers le village d'Emmaüs. Ils sont tristes. Ils parlent de la mort de Jésus. Sur le chemin, un homme les rejoint. Quand ils arrivent dans le village, ils demandent à l'inconnu de rester pour le dîner. À table, l'homme prend du pain. Il le partage, puis le leur donne. Tout à coup, les deux amis le reconnaissent. « Jésus, tu es vivant !» Mais il a déjà disparu. Sans attendre, les deux amis repartent à Jérusalem, tout joyeux, pour annoncer la grande nouvelle. « Nous avons rencontré Jésus. Il est vivant !» Comme avant, les amis de Jésus pêchent sur le lac de Galilée. C'est le matin. Ils n'ont rien pris de toute la nuit. Sur la plage, un homme appelle. « Auriez-vous quelque chose à manger ?»« Pas un seul poisson !» L'homme leur dit alors. « Retournez pêcher, jetez vos filets à droite de la barque. La pêche sera bonne. » Jean le reconnaît. « C'est Jésus !» Alors Pierre s'élance vers Jésus. Avec tous les poissons qu'ils prennent, ils organisent un grand repas. Puis Jésus se tourne trois fois vers Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Jésus, tu sais bien que je t'aime. Jésus dit à Pierre. Pierre, je compte sur toi pour veiller sur mes amis.